Activité 3. Dialogue 1. Alors, cette fête d'anniversaire, c'était comment ? C'était génial ! Nous étions 20 personnes, nous avons dansé toute la nuit. Oh là là, vous étiez nombreux ? Oui, et j'ai eu plein de cadeaux. C'était formidable. Dialogue 2. Salut Hugo, j'ai 2 places pour le match de basket de samedi. Tu veux venir avec moi ? C'est vrai ? Oh, c'est terrible, je ne peux pas y aller. C'est l'anniversaire de ma mère. Oh non, c'est dommage. Dialogue 3. Tu sais quoi ? Paul m'a demandé en mariage. C'est vrai ! Oh, comme c'est romantique ! Oui, en plus, nous allons nous marier à Paris. Félicitations, je suis heureuse pour toi. Dialogue 4. Marc, tu peux m'accompagner chez le médecin ? Oui. Sophie, tu es malade ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien de grave, c'est pour un vaccin seulement, mais je préfère être accompagnée.